Yeah. It's fucking insane. We're never gonna understand that. Maman, mon père, qui est revenu dans la rue. C'est pas bien. Quoi? C'est pas bien, non? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est l'histoire d'un guérillero. Confiant les gars. Ouais. Parce que d'abord. Y a... Merde. Fuyons les gars, ouais, y'a moyen. Ouais. C'est pollué par la ville, non? Pollué? Quoi pollué? Pourquoi pollué? Non, on respire ici. C'est vous qui êtes pollué par l'uranium radioactif de l'Auvergne, pourrite. Il faut que tu respires, man. Je suis un mâle, j'ai pas besoin de respirer. Pourquoi respirer quand on peut péter l'anus? Péter l'anus. Respire. Ça va bien, c'est Dja qui t'envoie un message. Faut que tu respires, man. Ouais, Dja. On t'appelait tout à l'heure, justement. On t'appelait, oh la... Tu viens là? Tu sais quoi? On est dans le maquis ici là, ça rigole pas là. C'est la guerre Iera. Cadeau d'anniversaire, Harald. Bise. Quel anniversaire? Je vais crever. J'ai crevé, mec. On l'a eu, ça y est. J'ai crevé l'abcès purulent, les gars. J'ai crevé chez nous. Putain, en enfer. tout en enfer. Direct d'Ambert. La guerre, elle est partout, man! Elle est partout, la guerre! Elle est partout! Putain de guerre, putain de guerre! Contre le voisin! Contre le maire, nique sa mère! Tu peux toujours envoyer tes clashs, moi j'en ai rien à battre, je reste un apache dans l'âme, et je tiens le siège dans ma Montana, je suis dans le terrain de chasse, des chasseurs fachos, ça mitraille de bas en haut, des mères débiles, aux paysans collabos, aux moutons aveugles, prêts à tous les sacrifices, pour que le bleu, blanc, rouge se hisse, c'est pas un chant nationaliste, ni un cri d'utopiste. Ouais, you cool, aimé. Ukulélé! Je suis pas un mec de banlieue, j'habite dans une montagne noire, noire de la plupart des mentalités, paysans, chasseurs ou braconniers, pour eux je suis le mec à abattre, je dénote avec leur monde, je les verrais bien me crucifier après leur banquet, juste pour rigoler, on a affaire à des gens qui n'ont rien compris, on a affaire à des gens qui barrent nos envies, on a affaire à des gens qui n'ont rien compris. Eman, Eman! C'est au 0-1-3, hiver dure saison, en général janvier, février, les potes pètent les plombs, ce n'est pas que la mort d'une saison, car les arbres n'ont plus de feuilles, les morales partent en deuil, dans un système qui écrase, et un monde qu'on ne comprend pas, les religions assassinent au nom des dieux, politiques qui affament et qui bandent les yeux, politiques infâmes et crimes odieux, même des villes et des banlieues, dis-toi bien que le combat reste dangereux, pour tous ceux qui sont, qui pensent et qui vivront vraiment qu'eux, le combat reste dangereux. Le combat reste dangereux, man. Yeah. Sur mon tonneau, en direct. Fresh. Tu parais. Avec Paul Dawa. Avec Paul Dawa. Avec Paul Dawa. avec tout le Zawa. Viens faire un gros truc de merde. Un petit sac de Doc Gynéco. Moi aussi j'aime les petites chasses. La pine, la caline, la pile d'acier. Le pénis. Qui fait mal comme un canon scié. Salope. Ce que je disais. Oh, Doc Gynéco, c'est de la merde. Fuck la dédicace. I'm fucking myself in the ass. Oh yeah, oh yeah. Dédicace. Ha ha ha ha ha. Fuck you. Fuck you. Donc un spécial dédicace à toutes les sous-merdes. Et j'encule les armées. Spécial dédicace à toutes les sous-merdes. Bon, en même temps, je te parle de moi, hein. Ouais, t'as raison, vas-y, tu m'entends ? L'émission s'appelle ? Nuisance. L'émission s'appelle ? Nuisance. L'émission s'appelle ? Nuisance. L'émission s'appelle ? L'émission s'appelle ? L'émission s'appelle ? L'émission s'appelle ? L'émission s'appelle ? Elle s'appelle pas, elle s'écoute. Je sais, je sais. Quoi ? Ouh ! Bien sûr que j'entends. Ah, tu m'entends quand même ? Nuisance. Oh, c'est cool. Yo, installé la quadrophonie. H2. On est dans le forest, man. Yes. On est à Toulouse. Parce que tous ces enculés. Pardon. Dja Dja est avec nous ce soir d'Auvergne. C'est Dja Dja représente Doudou Galak, Auvergne. Ouais. C'est bien, c'est une bonne démonstration de ukulélé, donc je trouvais que l'instrument prêtait bien à sa cause, tu vois celui-là. Ouais. Wouh. Shit Tonight, Nuisances, Canal Sud 92.2 FM, Toulouse, France, et indirectement Auvergne, en Bertoise, dans la Pine. Faut avouer, hein, quand même, un petit peu. Dégénéré. Tu t'en fous, quoi. Mais tu creuses, et bien. Bienvenue, si vous venez d'arriver, Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Téléphone 05 61 53 36 95 qui est occupé pour l'instant en direct France. Ah! Les oreilles saignent. Tu mangerais sur ta cuvette de chiottes, mec? Tu mangerais dessus, hein? Toi? Là-bas, là. Tu mangerais sur ta cuvette de chiottes? C'est bien. Ouais. Avec les cornichons et tout, quoi. Moi, non. Je suis pas un gros dégueulasse, dépravé et dégénéré comme vous en Auvergne. Et les tomates aussi. Petit peu de pain quand même, hein. Le pain, surtout pour pain, pour la sauce. Compris? Up and they'll serving, swerving, blabbering and blubbering against the wind, as it's always been there, it's always passing away, and it'll never be the same ever. So pleasure is death, death is pleasure. We will all die of pleasure and pain, and we will all in pain, pleasure and pain, pleasure and pain, pleasure and pain, die of pleasure and pain, and we'll all be happy in this way. Open your eyes! La viscosité. Dans le câble, voilà. C'est pas de ma faute. Je vais l'arranger sur les cymbales, elle est bien là. Responsible people could have done under the circumstances. They were old when the world was young and were used to decide great issues long before Atlantis sank into the African Ocean. There are 7 white stones in here. Wait. eager for me to be gone. I know. And I don't blame you. Will one parent of each child come forward, please? Let's finish this. We're about to change your life. For the better, I hope. Avance, Founding Father? Please, Mr. Morris. Bon, ben nous, Al, on y va, c'est un plaisir, quoi. It's perfectly simple. À la prochaine. You each draw a stone from the bag. Do not reveal your stone until all have been chosen. The child whose parent draws the black stone. Comes with me. Allez, bonne nuit. Live long, Space far, and know much. Where my daughter goes to school really has no connection with whether or not your organization can help me with the smoking mystery, Nadi. Will you start us off? So, what's up? Are we going to get down to it or not? Of course. In fact, we've already started getting down to it. Do you have cigarettes? There's a bear shit in the woods. May I have them, please? La volonté n'est pas. Rate for reformed smokers is higher than the fallback rate for heroin addicts. You can spare me the Reader's Digest lecture, my friend. I changed my mind. Can you open this door? You've got a hell of a problem, Mr. Morrison. But we here at Quitters Incorporated have developed a hell of a solution. But you're going to develop a hell of a problem with my lawyers. You go first, Marley. No, you. Relax. Here's something that might interest you. Watch closely, Mr. Morrison. Nothing up by the sleeve. And you'll notice, at no time does my... Take a cigarette, Well, my friend, so far it's gone very well. Now then, who has the courage to show first? Put fear aside, and let sweet relief rush in to take its place. Come, come. Have you not heard the gods punish the faint of heart? Send a specimen to Nurse Ratchet. Buster, I love you. This is what I'm

À mort les pervers. À mort les pernicieux. Nous, ce qu'on veut, c'est de la réaction. Vous êtes en nuisance ce soir, bienvenue, vous n'entendez absolument rien ou peu quoi de choses qui se passent à l'antenne, parce qu'il ne se passe rien à l'antenne, tout simplement. Vous écoutez Nuisance, une émission de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, localisée à Toulouse au 40 rue Alfred Duméril. Il est 23h. C'est bientôt la fin de Nuisance.

Thank you. Bonsoir, c'était Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone le 05 61 53 36 95 et le site le www.canalsud.net.